Que s'était-il passé? Une simple étourderie de Michel, à laquelle, très heureusement, Nicole put remédier à temps. « L'oxygène ! » s'écria-t-il. Et se penchant sur l'appareil à air, il vit que le robinet laissait échapper à plein flot ce gaz incolore, sans saveur, sans odeur, éminemment vital, mais qui, à l'état pur, produit les désordres les plus graves de l'organisme. Par étourderie, Michel avait ouvert en grand le robinet de l'appareil. Une heure après, les trois amis, peu à peu, revenaient de leur ivresse. Mais Barbicane et ses deux compagnons eurent le sentiment très marqué d'un nouveau phénomène. Depuis le moment où ils avaient quitté la Terre, leur propre poids avait subi une diminution progressive. Dans le cas actuel, un moment devait arriver où le projectile ne serait plus aucunement soumis aux lois de la pesanteur. Qu'arriverait-il alors? Trois hypothèses se présentaient. Ou le projectile tomberait sur la Lune, ou il retomberait sur la Terre, ou enfin il resterait éternellement suspendu à cette place.